بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence aujourd'hui, c'est le cours 24 dans l'explication du livre de l'imam al-Sabuni رحمه الله عقيدة السلف وأصحاب الحديث. On est toujours dans la partie du livre où le cheikh il parle à propos de استواء الله على عرشه, c'est-à-dire l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son trône. Et on a parlé au dernier cours de certaines des paroles des salafs à ce sujet. Et on va continuer, le cheikh il va mentionner d'autres paroles. La semaine dernière, on avait mentionné la parole qui était attribuée à Salama. Et on a expliqué que cette parole, même si elle est rapportée authentiquement de d'autres ulama, de d'autres imams, mais de Salama, en ce qui concerne cette narration-là en particulier, elle est faible. Là, le cheikh il va mentionner maintenant les autres narrations, comme celle de l'imam Malik. À propos de cette parole célèbre, il dit l'imam al-Sabuni, « Haddathana Abu al-Hassan ibn Ishaq al-Madani, Haddathana Ahmad ibn al-Khidr, Abu al-Hassan al-Shafi'i, Haddathana Shadhan, Haddathana ibn Mukhlid, ابن يزيد القحستاني حدثنا جعفر بن ميمون قال سئل مالك ابن أنس عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضالا وأمر به أن يخرج من مجلسه. Donc cette citation, elle est connue. Hein? C'est une citation célèbre de l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah. Et c'est une réponse qui clarifie la position des salafs au sujet des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On a posé la question à l'imam Malik à propos du verset 5 dans surat Taha, Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa. C'est-à-dire, Ar-Rahman c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux. Et ala al-arsh istawa, eh bien, ça veut dire sur le trône il s'est élevé. Le tout miséricordieux, sur le trône il s'est élevé. Et la personne a posé la question, kayf istawa, c'est-à-dire comment s'est-il élevé? Alors, l'imam Malik, à ce moment-là, il a répondu, il a dit al-istawa ghair majhoul, c'est-à-dire que l'istawa, le fait de s'élever, ça, c'est pas ignoré dans la langue arabe. On connaît sa signification. Wal kayf ghair ma'qul. Le comment, tu peux pas le comprendre rationnellement. C'est-à-dire que tu peux pas arriver à comprendre comment Allah s'élève sur le trône de façon rationnelle avec ta tête. Parce que c'est des choses qui font partie du raïb et que Allah nous a pas mentionné. Donc, de poser le comment, de demander à propos du comment à ce sujet-là, c'est de dépasser la limite, c'est de transgresser la limite, et en même temps, il a dit al-imanu bihi wajib, c'est-à-dire c'est obligatoire d'y croire, was-su'alu anhu bid'a, et de poser la question à ce sujet-là, ça fait partie d'une bid'a, c'est une innovation. Et il a dit wa ma araka illa dallan, il dit je te vois que comme étant un égaré, en voulant dire que quelqu'un peut poser ce genre de question-là et il pose la question parce qu'il est ignorant. Et s'il est ignorant, il pose des questions, les ulama, ils vont clarifier. Et l'imam Malik, il a clarifié. Mais parfois, il y a des gens, ils posent ce genre de questions-là, pas par ignorance, juste parce qu'ils veulent faire la fitna. Et l'imam Malik, il a senti que cette personne faisait partie de cette catégorie-là. Des gens qui posent ce genre de questions pour ouvrir des portes vers de l'égarement. Et il a dit, je vois que toi, tu es un égaré seulement. Et il dit, wa amara bihi an yukhraja min majlisihi. Il a ordonné que cette personne-là soit exclue ou enlevée ou sortie de son assemblée, de l'endroit dans lequel il était assis. Donc, l'imam Malik, c'est l'imam de Médine. C'est le mufti de Médine. Ça veut dire, tout le monde à Médine connaît l'imam Malik. Et il enseigne dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tous les jours, les gens qui sont responsables de la mosquée, c'est-à-dire les gens qui surveillent à la porte, les gardiens de la porte et tout, ils connaissent l'imam Malik. Si l'imam Malik dit, fais sortir cette personne, les gardiens, ils viennent, ils le prennent, ils le sortent. Hein? Et l'imam Malik, il joue pas avec les innovateurs, il joue pas avec les gens de bid'ah. Et donc ça, ça fait partie des exemples qui montrent la position de l'imam Malik envers les innovateurs, envers les gens de bid'ah. Et ça, ça fait partie du manhaj des salafs. Malgré qu'aujourd'hui, tu trouves des gens qui se disent maliki, hein? Moi je suis maliki, puis ils défendent la position de l'innovateur que l'imam Malik a chassé. Hein? Donc ça, c'est la chose la plus absurde qu'on peut voir aujourd'hui. Bon, en ce qui concerne cette parole, le Cheikh Rabi' Hafizahullah, il va donner des explications et des commentaires. Donc on va lire ça. Le Cheikh, il dit, « Al-Sharh, huna al-istiwa haqq. Yani, sa'ala anhu rajulun malikan, rahimahullah, faradiba malik, hatta alladhu rahba. » وغضب غضبا شديدا كما سيأتي ثم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة لأن غالب من يسألون عن هذه الأسئلة من أهل الفتن وأهل البدع يريدون إثارة القلاقل والفتن خاصة بين أهل السنة فالسائل ينتظر الإجابة من مالك فيتعلق بها ويذهب يثير الفتن فقمعه مالك بهذا التصرف والموقف الرشيد نحن يأتينا بعض السفهاء يسألونني عن بعض الصفات أرى فيهم تعنتا وأرى فيهم اتجاها إلى الفتن أزجرهم عن السؤال عن هذا الشيء وعن هذه الأسئلة ولما سئلت عن حديث السورة يعني زجرت من سألني عنه لأني فهمت أنه يريد الفتنة وأنه يريد أن يدخلنا في الطعن في ابن خزيمة وأن يدخلنا في فلان وفلان من المجتهدين من أعلام السنة ويقوم الجدال والنقاش والخصومات يعني قامت الحدادية يصيحون علينا ويرموننا بالضلال فهذا مالك يزجر ويبدع ويطرد من يسأل عن صفة الاستواء هل هو ضال يعني تنبه لهذا بارك الله فيكم donc ici le cheikh, il répond, il clarifie la situation, il dit que l'istiwa, c'est la vérité. Hein, c'est une vérité. Et un homme a posé cette question à l'imam Malik. Et l'imam Malik, il s'est mis en colère quand on lui a posé cette question-là. Même qu'il a commencé même à avoir de la sueur hein, sur son front. Il est devenu rouge. Il s'est mis en colère. Et il a dit, yani, l'istiwa, c'est connu. Hein. Ça, c'est une autre formulation de cette parole que celle qu'on a lue maintenant. Mais c'est la même signification. Al-istiwa ma'loum. Dans l'autre, c'est al-istiwa ghair majhoul. Donc, ma'loum, ça veut dire connu. Ghair majhoul, ça veut dire il n'est pas inconnu. Donc, c'est la négation. Mais c'est la même signification. Hein? Wa al-kayf majhoul. Et dans l'autre, wa al-kayf ghair ma'koul. Dans les deux, ça veut dire la même chose. Hein? Dans le sens que Al-Kayf, on ne le connaît pas. Et Al-Kayf, il n'est pas ma'koul. En voulant dire ma'koul, ça veut dire qu'est-ce qui est compréhensible, hein, rationnellement. Il dit, Wassu'alu anhu bid'a. Et de poser la question à son sujet, c'est une innovation. Et le cheikh, il dit, la plupart des gens qui vont poser ce genre de questions-là, c'est des gens de la fitna. C'est des gens de bid'a. Et ils veulent uniquement yani, allumer le feu de la fitna et en particulier faire des conflits entre les gens de la sunna. Donc cette personne, qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend de Malik qu'il réponde d'une façon qu'il puisse utiliser pour essayer de mettre le feu dans la fitna puis diviser les gens et faire des problèmes avec ça. Alors Malik, rahimahullah, il a su comment répondre d'une manière pour complètement l'écraser, le bloquer ce gars-là. et le réfuter en même temps et le remettre à sa place. Donc le cheikh, il dit, des fois nous, hein, il parle de son exemple à lui aussi, Cheikh Rabi', hafizahullah, il dit des fois il y a des faibles d'esprit qui viennent, ils nous posent des questions à propos de certaines attributs. Et il dit, moi je constate que ces gens-là, c'est des gens qui veulent juste s'obstiner, hein, commencer à débattre ou faire de la fitna. Alors je les réprimande, hein, de poser ce genre de questions-là. Et yani, il dit à quelqu'un qui est venu me poser la question à propos du hadith qui parle de l'image ou as-sura. Hein, probablement qu'il veut faire référence ici au hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné qu'il a créé Adam à son image. Donc il a posé la question à propos de l'image. Peut-être que c'est à propos de ce hadith-là ou d'un autre, Allahu a'lam. Mais il dit, je l'ai blâmé, la personne qui a posé cette question, je l'ai réprimandé de m'avoir posé cette question, parce que j'ai compris qu'il veut faire de la fitna. Et il veut me faire rentrer dans des critiques de Ibn Khuzayma, l'imam Ibn Khuzayma, ou me faire rentrer dans la critique d'un tel ou d'un tel parmi les ulama de la sunna qui ont fait des ijtihads. Et commencer à faire des débats et des discussions et des disputes. Hein, et donc les haddadiyya ont commencé à crier, hein, et à m'accuser d'égarement à cause de ça. Donc le cheikh, il dit, donc on voit l'exemple dans la position de l'imam Malik, et comment il a déclaré cet individu innovateur, et comment il l'a fait chasser, parce qu'il a posé la question à propos de l'istiwa. Hein, est-ce que tu vas dire qu'il est égaré parce qu'il a refusé de lui répondre, ou parce qu'il n'y a pas, parce qu'il l'a réprimandé et parce qu'il l'a chassé? Donc faites attention à ça, le cheikh dit, barakallahu fikum. Après le cheikh, il continue, il dit, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam sami'a ashabahu yatajadaluna fil qadar, faghadiba ashadd al-ghadab alayhi salatu wa salam, wal-Rasul sallallahu alayhi wa sallam kana yatruk al-umur allati tuaddi ila fitna, والنصوص كثيرة في تصرفاته صلى الله عليه وسلم والسلف كانوا يزجرون من يسأل عن الأمور التي تؤدي إلى الفتن حتى لو كان السائل يسأل عن الحق ولكن سؤاله يؤدي إلى الفتنة يزجرونه والعلماء قرروا أنه إذا كان السائل مسترشدا يجاب وإذا كان متعنتا فَهَذَا لَا يُجَابُ بَلْ يُهَانَ. Hein? Donc le cheikh, il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il a entendu ses compagnons qui se disputaient ou qui argumentaient à propos de la prédestination, al-qadar. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère, hein, d'une grande colère, une colère très forte. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alaykoum assalam wa rahmatullah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il délaissait toutes les choses qui pouvaient amener à de la fitna, hein, à des problèmes, à des troubles. Et les textes à ce sujet-là, par rapport au comportement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, face à ces situations-là, sont nombreuses. Les textes sont nombreux à ce sujet. Et les salaf, hein, rahimahumullah, ils étaient toujours prêt à réprimander toute personne qui posait des questions à propos de choses qui pouvaient ramener à de la fitna. Et donc il dit, même si la personne qui pose la question demande à propos de quelque chose qui est vrai, mais que sa question peut amener à de la fitna, il le réprimandait. Donc parfois c'est pas toute question qui est bonne à poser n'importe quand, et c'est pas toute question non plus qui est bonne à poser à n'importe qui également. Et ça, c'est des choses que certaines personnes ne comprennent pas. Et ça, c'est des choses que parfois certains ne réalisent pas. Et c'est ce qui fait que parfois ils ouvrent des portes vers de la fitna sans même s'en rendre compte. Et le cheikh, il dit, et les ulama, ils ont établi que si une personne demande dans le but de chercher la vérité, hein, mustarshidan, c'est-à-dire la personne, elle demande la question parce qu'elle veut rushd, elle cherche la vérité, elle cherche la droiture, et que tu vois de cette personne qu'elle est franche, elle est honnête, elle veut vraiment savoir. Dans ce cas-là, oui, tu lui expliques, tu lui réponds. Mais si tu sens que la personne, elle pose la question d'une manière comme si elle veut disputer, hein, avec toi, elle veut débattre, elle veut s'obstiner avec toi par rapport à la vérité, alors dans ce cas-là, on ne lui répond pas. Il dit même, on dénigre la personne. Johann, cette personne-là doit être méprisée, rabaissée. Il mentionne une parole en note de bas de page d'une citation de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah à ce sujet-là. Il dit, قال Cheikh al-Islam في رحمه الله في الفتاوى وهو يتكلم عن قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وأما الذم فإنما وقع على من يتبع المتشابه لابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وهو حال أهل القصد الفاسد الذين يريدون القدح في القرآن فلا يطلبون إلا المتشابه لإفساد القلوب وهي فتنتها به ويطلبون تأويله ليس طلبهم لتأويله لأجل العلم والاهتداء بل هذا لأجل الفتنة وكذلك صبيغ بن عسل ضربه عمر لأن قصده بالسؤال عن المتشابه كان لابتغاء الفتنة وهذا كمن يورد أسئلة وإشكالات على كلام الغير ويقول ماذا أريد بكذا وغرضه التشكيك والطعن فيه ليس غرضه معرفة الحق وأما من سأل عن معنى المتشابه ليعرفه ويزيل ما عرض له من الشبه وهو عالم بالمحكم متبع له مؤمن بالمتشابه لا يقصد فتنة فهذا لم يذمه الله. Donc ça c'est une bonne clarification de la part de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il parle du verset dans sourate Al-Imran, verset 7 dans sourate Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, tandis que ceux qui ont une déviation dans le cœur, ils suivent ce qui est équivoque du Coran, et équivoque, c'est-à-dire ce qui peut avoir ou ce qui peut prêter à plusieurs interprétations, c'est-à-dire ce qui peut avoir plusieurs sens. Eux, ils cherchent ces versets-là en particulier. Ils laissent de côté les muhkamat, les versets qui sont clairs et explicites et qui ne peuvent avoir qu'une seule signification. Ils laissent ces versets de côté et ils se tournent intentionnellement vers des versets équivoques dans le but de faire de la fitna ou dans le but de chercher à l'interpréter. À l'interpréter d'une manière qui va créer de la fitna. C'est ça que Cheikh al-Islam il explique. Il dit donc le blâme ici qui a été fait dans le verset de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ce blâme il tombe uniquement sur celui qui cherche à utiliser ce qui est mutashabé, ce qui est équivoque, dans le but de chercher la fitna, dans le but de faire de la fitna, faire du trouble, de créer des doutes ou de mettre des choubouhats dans le cœur des gens ou bien de les dévier. Ou bien qui cherche à l'interpréter, mais avec une mauvaise intention. Une intention dans le but de critiquer le Coran, ou de chercher des fautes dans le Coran, ou de chercher des contradictions dans le Coran. Donc, eux, ils cherchent le mutashabih dans le but de corrompre les cœurs, et de ramener de la fitna entre les gens. Donc, il dit, tandis que... Donc, c'est ça. وَيَطْلُبُونَ تَأْوِيلَهُ لَيْسَ طَلَبُهُمْ لِتَأْوِيلِهِ لِأَجْلِ الْعِلْمِ. Donc, quand ils cherchent le ta'wil, l'explication du Coran ou l'interprétation, c'est pas dans le but d'apprendre la science et d'être bien guidé. C'est uniquement pour faire de la fitna et pour avoir de la fitna. Donc, Omar ibn al-Khattab, il a agi justement d'une certaine façon avec Sabir ibn Asal ou ibn Isl. J'ai entendu certaines personnes qui les prononçaient, qui prononçaient Isl. Alors que moi je disais Asal, j'avais entendu ça. Peut-être qu'il y a plus qu'une prononciation. Donc Sobir, Omar il l'a frappé. Il l'a fait frapper plusieurs jours. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui prenait des versets de Coran hein, des choses qui ne sont pas des muhkamat. Et il prenait ces versets, puis il allait voir des gens, puis il commençait à leur poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Qu'est-ce que ce mot-là signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais pas des choses qui font partie des muhkamat ou des règles, que si tu les connais, tu peux les appliquer. Comme par exemple, « وَفَاكِهَةً وَأَبَّا ». Il dit, qu'est-ce que ça veut dire « Abba » Ou bien, des choses comme ça, tu vois. Et il prenait tout son temps pour chercher des réponses à ces questions-là. Et il dérangeait tout le monde. Il était connu, là. Les gens, ils commençaient à le connaître. Ah, lui, c'est le gars qui pose des questions bizarres. Alors, Omar, il l'a fait venir. Il a dit, viens. Il dit, moi, je suis Omar ibn al-Khattab. Je suis le serviteur d'Allah, Omar. Il a dit, moi, je suis le serviteur d'Allah, Sabir. Il a dit, qu'est-ce que t'as? Est-ce que t'as un problème? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il a dit, non, j'ai rien, Omar. Alors, Omar, il a pris des palmes, des feuilles de palme. Et comme... c'est des palmes tressées comme ça. Il commençait à le frapper avec ça. Et il l'a enfermé dans une cellule, comme une pièce. Il l'a laissé une journée. Le lendemain, il est revenu, il l'a frappé encore. Et il l'a laissé là encore une deuxième journée. Le troisième jour, la même chose. Quand il allait pour le frapper, Sabir, il a dit, « Ya Omar, c'est fini, ça y est, t'as plus besoin de me frapper. Le shaitan qui était dans ma tête, il est parti. » Alors Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il l'a exilé. Il l'a fait exiler dans une autre région. Et il a envoyé au gouverneur de cette région des consignes. Hein, par rapport à cette personne. Il a dit, tu ne les laisses pas se mélanger avec les gens et poser des questions ou des choses comme ça. S'il veut apprendre la science, il apprend la science, mais il ne parle à personne. En tout cas, à la kulli hal, finalement, il a étudié la science. À la fin, il est devenu parmi les ulama. Hein? À la fin, il est devenu parmi les ulama. Naam. Et justement, il y a même une histoire qui mentionne que lorsque les Khawaris sont sortis plus tard, ils sont venus voir Sabir. Ils ont dit, ah, Sabir, maintenant tu vas avoir ta vengeance, viens avec nous. Sabir, il a dit, Addabanil Abdus Salih. Addabanil Abdus Salih. C'est-à-dire, le serviteur vertueux m'a bien éduqué. Hein? Il m'a bien corrigé. Donc, il a su que cette voie-là, ce n'est pas la voie à suivre. Donc, tout ça pour dire, Omar, il a senti que ce gars-là, s'il continuait comme ça, il s'en allait vers de l'égarement. Alors, tout ce qu'on a entendu, justement, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous met en garde contre les bid'as, alors qu'il n'y avait pas de bid'as à son époque, réellement, mais c'était pour nous prévenir par rapport à l'avenir, qu'est-ce qui allait se produire. Dans la période de Omar, le khilafa de Omar, le khilafa d'Abu Bakr, il n'y a pas vraiment eu des bid'as qui sont encore apparus à cette période-là. C'est plus tard que les bid'as sont apparus. Mais Omar, quand il a senti qu'il y a quelque chose qui commençait à se couver, il n'a pas pris de chance. Tout de suite, il l'a arrêté direct. Et c'est comme ça que les salafs étaient. C'est-à-dire qu'ils étaient, vigilants de tout ce qui était étrange ou de tout ce qui était bizarre, depuis qu'il sentait quelque chose qui commençait à chauffer, il le réglait tout de suite. C'est ce qui fait qu'à leur époque, il n'y avait pas de bid'ah qui sont apparus. Et on a vu donc comment il a géré cette situation avec Sabir. Et le cheikh, il dit, donc ça c'est un exemple, comment il gérait les gens qui posaient des questions pour faire de la fitna. Il dit, tandis que si la personne qui pose des questions à propos des mutashabih, il cherche pour la fitna, donc c'est comme ça qu'il agit avec eux, comme Omar ibn al-Khattab avec Sabir. Il dit, وَهَكَذَا كَمَنْ يُرِدُ أَسْئِلَةً. Donc ceux qui posent des questions ou des يعني, وَإِشْكَالَات, c'est-à-dire ils ramènent des problèmes à propos de certains versets, ou des compréhensions qu'il a. Il ramène une compréhension, il a un problème avec la compréhension de certains versets ou de certains hadiths, ou bien avec la parole de quelqu'un, Et il ramène ces questions-là, et puis il dit, pourquoi il a dit ça? Ou qu'est-ce que ça veut dire ça? Ou pourquoi ça? Et le but, pourquoi il pose ce genre de questions, c'est pas pour chercher la vérité, c'est juste pour mettre des doutes dans le cœur des gens. Ou juste pour essayer d'attaquer ou de critiquer cette personne. Et c'est pas de connaître la vérité réellement. D'accord? Donc, comment tu peux faire pour savoir quand est-ce que quelqu'un il est sincère quand il pose la question, quand est-ce qu'il n'est pas sincère? Eh bien, des fois, il y a des indices. Des fois, il y a des indices qui peuvent paraître dans la façon comment la personne pose la question, qui vont te faire réaliser ou comprendre que cette personne-là, elle ne veut pas savoir la vérité. C'est juste pour une choubha, hein? Ou juste pour faire de la fitna. Tandis qu'une autre personne, déjà, tu la connais. Hein? Tu sais que c'est une personne, elle est sérieuse, elle est sincère, elle pose régulièrement des questions dans le but d'apprendre sa religion pour essayer de pratiquer mieux, pour essayer de s'améliorer dans sa foi. Donc, cette personne, tu sais que son intention, elle est bonne. Mais l'autre, comme des fois, ça arrive, des fois, quelqu'un, tu ne l'as jamais vu. Il arrive de, tu ne sais même pas d'où. Et là, tout d'un coup, il apparaît, puis il vient, puis il te pose une question à propos d'un sujet vraiment bizarre. Hein? Et tu dis, mais pourquoi il pose ce genre de questions? Qu'est-ce qu'il cherche? Hein? Donc, c'est des fois, tu vois que la personne, elle est louche. Hein? Donc, c'est comme... Elle n'inspire pas la confiance, cette personne. Donc, tu dis, c'est bizarre, cette personne-là. On ne l'a jamais vue. Tout d'un coup, elle vient, elle pose ce genre de questions étranges. Oui, c'est ça. Ou bien, il y a des fois, des gens, c'est comme... Une fois, il y a une personne qui est venue, il m'a posé une question sur un sujet. Et ce sujet-là, c'est un sujet sur lequel il y a des divergences entre les ulama. Et il me pose la question... Alors, moi, je lui donne une réponse. Puis après, il me dit, « Ah, parce que j'ai lu la parole de Cheikh Ibn Uthaymeen, puis lui, il disait ça. » Après, j'ai dit à moi-même, j'ai dit, « Mais c'est bizarre. Tu as lu la parole de Cheikh Ibn Uthaymeen, après tu me demandes à moi pourquoi. Ça ne te suffit pas déjà que tu as demandé la question à Cheikh Ibn Uthaymeen. Et déjà, Cheikh Ibn Uthaymeen, c'est le alim, hein, allama. Donc, comment tu viens de me demander à moi, un petit talib ilm, après que tu as posé la question à un grand imam, ou que tu as eu la réponse d'un grand imam, un grand alim, à propos de ce sujet-là. Pourquoi tu me poses cette question? Donc, des fois, c'est bizarre la façon comment les gens, ils agissent. Tu vois? Subhanallah. Donc, des fois, il y en a des gens, c'est comme s'ils posent la question, pas pour savoir la réponse, juste pour te tester. Hein? C'est juste pour voir qu'est-ce que tu vas dire, ou pour te tester. Ou bien... pour te piéger. Non. Tu vois? Mais, ces gens-là, on les découvre facilement. C'est facile de s'apercevoir de ça. Parce qu'ils laissent toujours des traces, ces gens-là, l'Amstan. Et le cheikh, il dit ensuite, donc, les sahara de ma'lana, amma man sa'ala an ma'na al-mutashabih liya'rifahu. ويزيل ما عرض له من الشبه وهو عالم بالمحكم متبع له مؤمن بالمتشابه فلا يقصد فتنة فهذا لم يذمه الله. Ça veut dire, si quelqu'un il pose la question à propos de la signification du mutashabih, pour qu'il puisse le connaître et pour retirer une ambiguïté ou un doute à son sujet, alors qu'il connaît les versets qui sont des muhkamat, et il les suit, et il croit en ce qui est mutashabih, et son intention, ce n'est pas la fitna, alors celui-là, il n'est pas blâmé par Allah dans ce verset. D'accord? Donc, il faut faire la distinction entre celui qui pose la question à propos de ce qui est mutashabih, dans le but de faire de la fitna, et celui qui pose la question, pas dans le but de faire de la fitna, mais dans le but de comprendre, uniquement pour enlever une choubha qu'il a dans son cœur à propos de ce sujet-là. Et ça, des fois, c'est pas toujours facile, comme je disais, pour savoir qui fait telle chose et pour quelle raison. Mais des fois, c'est comme une des façons ou une des choses que j'ai remarquées, c'est que habituellement un talib ilm qui est sérieux ou une personne qui cherche la science réellement, si elle vient te voir pour te poser des questions et que déjà au départ elle commence que par des shubuhat et que te pose des questions que sur des shubuhat, en général des fois c'est un mauvais signe, tu vois. Déjà c'est pas normal, parce que si la personne elle a que des shubuhat dans sa tête, ça veut dire qu'elle court derrière ces shubuhat là. Ça veut dire qu'elle recherche des shubuhat. Et si tu recherches des shubuhat, c'est sûr que tu vas en trouver. Hein? Tu cherches des problèmes. Tu cours après les problèmes. Et il y a des jeunes, c'est comme ça. Il y a beaucoup de jeunes et des vieux aussi. Ils vont dans des endroits, ou dans des sites, ou dans des livres, où il n'y a que des shubuhat. Puis ils lisent ça. Et quand ils ont lu ça, après, ils disent, oh, je ne sais pas comment répondre à ça, ou je ne sais pas comment clarifier ça, qu'est-ce que je dois faire, hein? Et là, ils sont confus, ils sont mélangés, ils ont des doutes, ils ont des ambiguïtés, et là, ils ne savent plus quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent quelqu'un pour essayer de leur poser les questions, pour répondre à ces choubouhats-là. D'accord? Donc, l'erreur en partant, c'est d'avoir été dans ces sites-là, d'avoir cherché ces choubouhats-là. Parce que tu n'as pas besoin de ça pour connaître ta religion. Hein? Tu peux te contenter de lire le Coran, de lire les hadiths, de lire les explications des ulama de la sunna, de bien construire ta base, de bien fortifier tes fondements pour être capable d'avoir une bonne compréhension. Une fois que tu as ça, après par la suite, si jamais par hasard, hein, façon de parler, on tombe sur une choubha quelconque et qu'on n'est pas capable de la clarifier, là par la suite, si on pose la question pour demander, c'est correct. Mais si quelqu'un il court derrière les choubhat et après il a des doutes dans son cœur, il veut à tout prix les enlever, à chaque fois il retourne, et bien là c'est sûr que cette personne là il a une maladie, hein, dans son cœur. C'est comme s'il court vers la fitna. Donc, si tu vois quelqu'un, en général, c'est quelqu'un qui va poser sur des questions sur des choses qui sont utiles, des questions sur des sujets qui sont importants pour sa pratique de tous les jours, sur sa compréhension des bases de la religion, des choses qui sont vraiment fondamentales. Ça, c'est là que tu vois une personne, c'est une personne qui est sérieuse. Mais une personne qui pose des questions sur des choses abstraites, des choses qui n'ont aucune réalité ou aucun contact avec sa réalité ou sa vie de tous les jours. Il va jamais avoir besoin de savoir cette chose-là. Puis il vient pour poser des questions très hypothétiques. Hein? Donc pourquoi tu veux étudier ça? Commence par qu'est-ce qui est plus important. Hein? Donc le cheikh il dit, وَهَوْلَا الْحَدَّدِيَّةِ مبدأهم إثارة الفتن والشغب على أئمة الإسلام وعلى أصول الإسلام فما تركوا جماعة إلا وطعنوا فيها والله طعنوا في أئمة الجرح والتعديل وجهلوهم ولم يخجلوا ولم يعتذروا أو نعم ولم يعتذروا إلى يومنا هذا. الطعن في أئمة الجرح والتعديل يقول فيه الإمام أحمد زندقة. لما بلغ الإمام أحمد عن ابن أبي قتيلة أو ابن أبي قتيلة أنه ذكر عنده أهل الحديث بمكة فقال قوم سوء. فقال الإمام أحمد وهو ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق ودخل بيته. قال ابن تيمية لأنه عرف مغزاه يعني لماذا يطعن في أهل الحديث، لأنه يطعن في الحق الذي معهم وفي السنة التي معهم. وهكذا منهج الحدادية، ما قام إلا على الكذب وعلى الطعن في العلماء. والشاهد الآن هؤلاء الكذابون أهل الفتن ذهبوا يسألون بعض المشايخ، مع الأسف يريدون أن يجهلوني، يعني منهج يسير عليه القرآن والسنة وأئمة الإسلام يريدون هدمه. كم من الأصول يسعى الحدادية إلى هدمها. ويعني نأسف الأسف الشديد أن كثيرا من أهل السنة لم يتنبهوا الخطورة لخطورة هذه الفرقة الفاجرة القائمة على الفجور والكذب والحقد الأرعن على أهل السنة ومحاولة إسقاطهم وإسقاط منهجهم. الآن علماء السلفية في المملكة سقطوا وما بقي إلا اثنان أو ثلاثة وهم يتسترون وراءهم مثل ما كان يتستر ابن سبأ وراء أهل البيت وراء علي. كل صاحب فتنة يأتي له بستارة لا يأتيك هكذا مكشوفا. يعني 150% 150% إنما يضع له ستارة يقاتلك من ورائها. وهكذا الحدادية الآن علماء المملكة وعلماء اليمن وعلماء الشام وعلماء الجزائر وعلماء الهند وعلماء الدنيا كلها, يعني كلها, كل علماء السلفية في العالم كله, كلهم يعني هم وطلابهم أهل بدع, والحدادية هم أهل السنة المحضة. لماذا سلفيتهم محضة؟ لأنها قائمة على الكذب والفجور, ولهذا أئمتهم معصومون لا يخطئون, بل صاروا كلهم معصومين إذا كانوا من هذه العصابة لا يخطئون, ولا أحد يخطئ أحدا مهما كذب أو مهما كذب, مهما افترى ومهما خان ومهما ظلم, يعني ومهما أجرم لا اعتراض عليه أبدا. والحرب إنما هي على أهل السنة لأنهم أهل السنة. Donc on va traduire ce passage-là. Le cheikh, il était en pleine fitna à ce moment-là, dans le moment où il expliquait ce livre. Il y avait la fitna des Haddadiyya qui était à son plus haut point là. Et donc il prenait beaucoup d'occasions pour justement clarifier la fitna de cette firqa lorsqu'il avait l'occasion de faire des commentaires pour clarifier ces égarements-là. Il en profitait pour clarifier. Parce que la fitna des Haddadiyya, elle nous affecte encore jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Donc il est important de les reconnaître et de s'en méfier et de s'en préserver. Donc le cheikh, il dit, donc ces gens-là, les Haddadiyya, leur fondement, c'est ça, de faire de la fitna. Et en particulier de faire des fitna et de faire des problèmes à propos des imams de l'islam et des fondements de l'islam. Ils ont laissé aucun groupe parmi les ulama sans les attaquer et sans les critiquer. Et il dit même par Allah, ils ont attaqué les ulama et les imams du Jarh wa Ta'dil à l'époque. Et ils n'ont pas eu honte de faire ça. Et ils ne se sont, jusqu'à aujourd'hui, ne se sont jamais excusés de ça. Et il dit, le cheikh, donc ils ont attaqué les imams du Jarh wa Ta'dil. Et il dit que l'imam Malik, il a dit à propos de ceux qui critiquent les gens du Jarh wa Ta'dil, c'est des zandaqa, c'est-à-dire c'est de l'hérésie, ces gens-là, c'est des hérétiques. Et lorsque l'imam Ahmad, il a entendu que Ibn Abi Qutayla a mentionné à propos des gens du hadith que c'est des gens mauvais, il a dit les gens du hadith sont des gens mauvais. L'imam Malik, quand il a entendu ça, il a époussété son vêtement, puis il a dit Zindiqun, Zindiqun, Zindiqun. C'est-à-dire un hérétique, un hérétique, un hérétique. Puis il est rentré chez lui. Pourquoi? Parce que c'est des paroles graves. Et aujourd'hui, des fois, aujourd'hui, tu entends des paroles de certaines personnes, des propos graves de certains. Yani, a'ouzou billah, c'est des gens qui critiquent les salafs, qui critiquent les hadiths, qui critiquent l'imam al-Bukhari, qui critiquent les nam. On entend des gens comme ça. Dernièrement, je me rappelle, c'est qui est-ce qui critiquait Abu Huraira, qui critiquait Abdullah ibn Abbas, qui critique Abdullah ibn Mas'ud, il se permet de les attaquer et de les critiquer. Hein? Alors que c'est les sahaba, alors que c'est eux qui nous ont ramené les hadiths du messager d'Allah. Et eux, ils parlent d'eux comme si ils parlent de n'importe qui au coin de la rue. Hein? Un voyou au coin de la rue. C'est comme ça. Il y en a un en France aujourd'hui, subhanallah, il parle dans une conférence, il dit, Abu Huraira, c'est un adolescent. Comment on peut prendre... moi, je ne prends pas ma religion d'un adolescent. C'est comme ça que tu parles de Hibr al-Umma. C'est comme ça que tu parles de Turjuma al-Qur'an, celui pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le dua. Il a dit Allahumma allimhu ta'wil. Allahumma faqqihhu fi d-din wa allimhu ta'wil. Donne-lui la compréhension, oh Allah, de la religion et apprends-lui l'explication du Coran. C'est-à-dire qu'il y a des sahabas qui étaient plus jeunes que les autres, comme Abdullah ibn Abbas qui était plus jeune à l'époque où il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais hein, ça ne veut pas dire que parce qu'il était jeune, il n'avait pas de connaissance ou de compréhension. Et au contraire, c'était un enfant à l'époque, mais il avait une compréhension, il avait une mémoire. Ils ont vécu avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tout ça pour dire, yani, de se permettre de parler des sahabas de cette façon, ça montre que cette personne, elle n'a aucun respect. Et le cheikh, il dit, Ibn Taymiyyah a commenté à propos de la parole de l'imam Ahmad quand il a dit de l'autre que c'était un zindiq. Il a dit pourquoi? Parce que il a compris, l'imam Ahmad a compris c'était quoi son objectif en disant que les gens du hadith sont des gens mauvais. Parce que son objectif, c'est d'attaquer la sunna. C'est d'attaquer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'attaquer les sahaba. Donc, si quelqu'un, il critique les ulama du hadith, aujourd'hui, ou qu'il parle des sahaba, c'est clair qu'il veut détruire l'islam. Il veut détruire la religion. C'est quelqu'un de mauvais. Donc, s'il critique, il dit les ulama sont mauvais, les gens du hadith sont mauvais, les salafiyoun sont mauvais. Il y en a des gens qui parlent comme ça. Donc, ça veut dire quoi? Pour certains, aujourd'hui, c'est comme ça. Pour être bon, il ne faut pas pratiquer l'islam. Parce que les gens qui pratiquent l'islam, c'est des hypocrites pour eux. Ah, ces gens-là qui pratiquent l'islam, qui vont à la mosquée, c'est des hypocrites. Moi, je ne vais pas à la mosquée, donc je ne suis pas un hypocrite. Adjé, hein? Est-ce que tu as jamais entendu quelqu'un qui dit des choses comme ça? Oui, il y a plein de gens comme ça, ignorants. Ils font exprès pour faire tous les péchés du monde, devant tout le monde, pour prouver aux gens qu'ils ne sont pas hypocrites. Mais ça, c'est une plus grande hypocrisie encore. Non, mais c'est grave. Les gens, ils réalisent pas. Ils pensent que l'hypocrite, c'est celui qui fait des péchés en cachette et qui ne les fait pas devant les gens. Donc ça veut dire que pour lui, les gens qui ne sont pas hypocrites, c'est ceux qui font les péchés en public. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun » Toute ma umma sera pardonnée, excepté ceux qui montrent leurs péchés. Donc, le musulman qui est sincère, c'est celui qui a honte de faire des péchés devant les gens. Et c'est sûr qu'en privé, il doit craindre Allah. Mais s'il le fait devant les gens, ça veut dire qu'il n'a pas ni de crainte d'Allah, ni de crainte des gens, ni de honte. Et en plus, il influence les autres à faire le mal, hein, par son exemple. Il incite, il appelle au mal par son exemple. Hein. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, yani, إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَصْنَعْ مَا شِئْتَ. Si tu n'es pas gêné, fais ce que tu veux. Hein? Donc, d'avoir de la gêne, ça fait partie de la foi. Al-haya min al-iman. Donc, ça, c'est des exemples importants pour nous. Et le cheikh, il explique. Il dit donc c'est ça. وَهَكَذَا مَنْهَجُ الْحَدَّادِيَ Les Haddadiyas, ils sont comme ça aussi. Ils attaquent hein, les salafis, et les ulama salafiyins en particulier. Pourquoi? Parce qu'ils veulent attaquer la vérité elle-même et attaquer la sunna. Donc, en réalité, c'est un, hein, c'est un, C'est un complot. Hein? Peut-être les gens ils vont dire, ça c'est du complotisme. Ça c'est un complot pour de vrai, parce que dans le sens que ces gens-là, c'est des munafiqines. Hein? Ils ont les caractéristiques des munafiqines. Pourquoi? Parce que les munafiqoun, ils veulent attaquer la religion de l'intérieur. Alors eux, ils viennent, ils disent, on est les gens de la sunna, on est les vrais salafis. Tous les autres salafis, en commençant par les ulama, c'est tous des égarés. C'est seulement nous qui sommes sur la vraie voie. Donc si les ulama de la salafie, elles sont des égarés, qu'est-ce qui reste? Hein? Allah al-Musta'an. Donc le cheikh dit, « Al-Shahid, al-An, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut tirer de ça? C'est pour dire que maintenant, ces menteurs-là, c'est des gens de la fitna. Et ils vont demander à certains shuyukh, hein, des choses, il dit, dans le but de montrer ou de m'attaquer, de me traiter d'ignorant ou des choses de ce genre. Et donc, il dit, le manhaj sur lequel hein, on suit, qui est basé sur le Coran, sur la sunna, la voie des imams, eux, ils veulent détruire ce manhaj-là. Il dit, combien de fondements que les haddadis ont essayé de détruire jusqu'à aujourd'hui, parmi les fondements de l'islam. Et donc, il dit, c'est triste, hein, c'est désolant, mais malheureusement, c'est la réalité. Et il dit, beaucoup des gens de la sunna n'ont pas réalisé le danger de cette secte perverse, qui est établie sur la perversité, sur le mensonge et sur la rancune, hein, qu'ils cachent dans leur cœur contre les gens de la sunna. Et ils font tout pour essayer de faire tomber les ulama de la sunna les uns après les autres. C'est ça leur méthodologie. Donc il dit aujourd'hui, les ulama de la sunna, pour eux, en Arabie Saoudite, sont tous tombés, excepté deux ou trois. Et eux, ils essaient de se cacher derrière certains d'entre eux pour essayer de justifier leur position. Comme, comme par exemple, Ibn Sabah, hein, Abdullah Ibn Sabah, le fondateur de la secte des Shia, le juif du Yémen, qui s'était présenté comme un converti à l'islam, alors qu'en réalité, il était hein, un hypocrite. Il est venu, il a attaqué les Sahaba, puis il s'est caché derrière Ahlul Bayt. Il dit, moi, je défends l'honneur de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et des proches du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et je défends l'honneur de Ali, radiyallahu anhu. Alors, tous les gens de la fitna, quand ils viennent, ils essaient toujours de se cacher derrière quelqu'un ou derrière quelque chose. Hein, il dit, donc, il dit 150% des fois, tu trouves, ces gens-là, c'est ça ce qu'ils font. Et, yani, ils essaient juste de se cacher derrière quelqu'un pour te combattre. C'est les techniques des haddadiyah. Il dit aujourd'hui, tu vois que les ulama de l'Arabie, les ulama du Yémen, les ulama de la Syrie, Hacham, les ulama de l'Algérie, les ulama de l'Inde, les ulama dans le monde entier, tous les ulama de la Salafia, dans le monde entier, hein, sont pour eux des mubtadi'a. Et les haddadis, ce sont eux seulement qui sont les purs gens de la sunna, seulement. Pourquoi eux sont les purs? Hein, les purs salafis sur la sunna, parce qu'ils sont basés sur le mensonge et la perversité. Et leurs imams, à eux, sont infaillibles. Ils ne peuvent pas être, ils ne peuvent pas se tromper. Et on ne peut pas les accuser d'erreur. Donc, ils sont tous devenus infaillibles. Ils ne peuvent pas se tromper et personne ne peut dire qu'ils font des erreurs. Peu importe leur mensonge, peu importe ce qu'ils peuvent inventer, peu importe leur trahison, peu importe leur injustice, peu importe leur crime, personne ne peut y aller s'opposer à eux ou leur dire quoi que ce soit. Et donc, ils font la guerre contre les gens de la sunna. Et leur ennemi numéro un, c'est les ulama de Ahlul Sunna. Il dit ensuite, « Al-an Ahlul Jazeera saqatu ad-da'wa liman, hein, ad-da'watu liman li Ahlil Bida'a. Fi Mecca, ulama al-sunna saqatu. لمن صارت الدعوة صارت لأهل البدع في المدينة علماؤها سقطوا لمن الدعوة لأهل البدع فالحدادية يخدمون ساداتهم من أهل البدع فتنبهوا لهم لا أرى شرا منهم الآن الروافض عندهم شيء من الأخلاق والأدب الروافض عندهم كذب وفجور وخبث ولكن لا يلحقون هؤلاء في الفجور والكذب وقلة الحياء وسوء الأدب وقلة المروءة لا تجد طائفة حتى في الكفار لا تجد أسوأ من هذه الطائفة وأقل أدبا وسوء أخلاقا وأقذر أخلاقا منهم افهموها واثبتوا على الأخلاق الإسلامية وربوا أنفسكم على الصدق والأخلاق العالية واحترام أهل العلم والفضل واحترام بعضكم بعضا هذه الفرقة تقوم على الكذب وهدفها التشتيت والتمزيق وغرس الأحقاد في نفوس السلفيين خاصة donc il dit le cheikh il dit les ulama de la péninsule de l'Al Jazeera pour eux sont tombés c'est qui est sur la da'wa personne les gens de bid'a il dit à Mecca les ulama sont tombés c'est qui reste C'est qui fait la da'wa maintenant? Il dit, c'est pour les gens de bid'a. À Médine, ils ont fait tomber les ulama. C'est à qui la da'wa? Aux gens de bid'a. Donc les haddadis, en réalité, ils sont au service de leur maître et de leur chef parmi les gens de bid'a. Donc faites attention à ces gens-là. Il dit, je ne vois pas personne de plus mauvais aujourd'hui que les rawafid. Il dit, même les rawafid qui ont du mensonge et de la perversité et du mal, ils peuvent pas atteindre la perversité et le mensonge et le manque de gêne et le peu de bonne manière que ont atteint les haddadiyah. Subhanallah. Il dit, tu ne trouves pas, même parmi les kuffars, des gens qui ont un plus mauvais comportement que ce groupe-là. Tu ne peux pas trouver un peuple qui a moins de bonne manière que ce groupe-là et qui a un plus mauvais comportement que eux. Donc comprenez bien ça. Et restez fermes sur les bons comportements de l'islam et soyez éduqués vous-même sur la véracité et d'être sincère et véridique et d'avoir les comportements élevés et de respecter les hommes de science et les gens du mérite et de respecter les uns les autres, de vous respecter les uns les autres. Parce que ça c'est des comportements et des manières et des règles de comportement importants pour nous en tant que musulmans, en tant que salafis en particulier. Parce que le respect des ulamas, c'est ça qui fait la différence. Beaucoup de gens qui se sont égarés de la salafia, ils se sont uniquement égarés parce qu'ils ont perdu le respect envers les ulamas ou ils ont manqué de respect envers les ulamas. Mais celui qui avait du respect envers les ulamas et qui revient aux ulamas, Il va toujours s'accrocher à la vérité. Parce que les ulamas, c'est les héritiers des prophètes. Donc, celui qui cherche le droit chemin, il doit chercher à s'accrocher aux ulamas qui sont sur la sunna et sur la salafia. Sinon, il va se perdre facilement. C'est facile pour lui de se perdre. Et le cheikh, il dit, « وَهَذِهِ الْفِرْقَةِ تَقُمُ عَلَى الْكَذِبُ وَهَدَفُهَا التَّشْتِيتُ وَالتَّمْزِيقُ » Il dit, donc, ils sont basés, cette secte, elle est basée sur le mensonge, et son objectif, c'est de diviser et de déchirer et de semer la haine et la rancune dans les cœurs des salafis, en particulier, les uns contre les autres. Et c'est ça ce qu'ils essaient de faire tout le temps. De diviser les frères, diviser les salafis. Et encore dernièrement, on a vu avec la fitna de Mohammed bin Hadi comment ça a créé dans le cœur des gens beaucoup de division, beaucoup de haine, beaucoup de rancune. Les gens, ils se sont tous éloignés les uns des autres à cause de ça. Et jusqu'à aujourd'hui, tu vois les effets de ça. Allahul Musta'an. Mais un des objectifs derrière, c'est d'essayer d'en indirectement d'attaquer les imams et les ulama. Et en particulier Cheikh Rabi', Cheikh Ubaid et les ulama de la salafia. Donc, depuis le début, c'était ça l'objectif. Et ce n'est pas nouveau. À l'époque de la fitna, que ce soit à l'époque de Al-Ma'ribi, La fitna de Abu al-Hassan al-Ma'ribi, c'était la même chose. Falih al-Harbi, la fitna de Ali Hassan. Ali Hassan aussi, ça a été une grosse fitna. Et yani, à chaque fois, il y a une nouvelle fitna qui arrive. Et il y a des frères, ils n'ont pas connu les fitnes d'avant. Pour eux, la première fitna qu'ils ont connue, c'est celle-là. Il y a eu la fitna avant ça de Al-Hajouri. Hein? Donc, chaque fitna qui arrive, c'est si quelqu'un, par exemple, il n'était pas musulman à l'époque, ou soit il n'était pas pratiquant à l'époque, ou soit il n'était pas assez vieux ou assez grand pour connaître ces choses-là, parce qu'il était petit. Et là, maintenant, il est arrivé à un âge, il a commencé à pratiquer, donc il entend parler de ces fitnes. Donc, pour lui, c'est quelque chose d'étrange, de nouveau. Il dit, mais comment ça? Hein? Comment ces choses-là peuvent se produire? Et il y a des gens comme ça qui s'étonnent. Ils disent, mais comment? Est-ce possible qu'un savant, un cheikh, quelqu'un qui était connu comme étant salafi, comment il peut basculer de cette façon? Et il y en a qui même, ça, il y en a même qui, justement, à cause de ça, ils commencent même à avoir des doutes en eux-mêmes parce qu'ils se disent, si eux, ils peuvent s'égarer, alors ça veut dire, moi, comment ça se fait que je suis sur la bonne voie? Et il est important de comprendre à ce sujet-là que ce n'est pas suffisant juste de penser que la quantité de science, c'est suffisant pour te guider et te préserver de l'égarement. Parce que, c'est ce que je disais à un frère justement récemment, j'ai dit, Iblis, hein, il a plus de science que Mohammed bin Hadi à propos d'Allah et à propos de l'islam. Et il a plus de science que Al-Hajouri et que Ali Hassan et que Al-Ma'ribi et que Falih et que tous ces gens-là. Il avait plus de science que ces gens-là. Il était avec les anges rapprochés d'Allah. Et ça ne l'a pas empêché de s'égarer. Donc, si ça ne l'a pas empêché, lui, de s'égarer, alors comment quelqu'un d'autre, qui est moins savant que lui, pourrait être protégé de s'égarer? Alors que quelqu'un qui a peut-être moins de science que lui, mais qui est sincère, qui est humble, qui est modeste, qui accepte la vérité quand elle vient à lui, et qui se soumet à la vérité, qui respecte la sunna et qui respecte les ulama, même s'il a peu de science, ce qu'il a comme science, il le suit et il l'applique. Donc pourquoi celui-là, il serait égaré? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va juger chaque personne selon son niveau de connaissance. Il ne va pas juger les savants de la même manière que les ignorants. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. D'accord? Et l'imam Shawkani, rahimahullah, il expliquait dans un de ses livres que plus quelqu'un est savant, plus sa responsabilité est grande face à la science qu'il possède. Donc, c'est le contraire de ce que certains s'imaginent parfois, parmi les soufis qui s'imaginent que plus que tu as de science, plus que tu peux faire ce que tu veux, ou moins que tu as d'obligations. Alors que c'est le contraire en réalité. Plus que tu as de science, plus que tu as des devoirs, et plus que tu as des obligations, plus que tu as une responsabilité. Que Allah nous aide. Donc, pour ce qui est du cours d'aujourd'hui, donc ça c'est par rapport à ce sujet-là. On va s'arrêter ici. On continuera la suite la semaine prochaine. On a fini la partie. Et on va maintenant clôturer ce cours, puis on va faire Riyad al-Salihin maintenant. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.